La briseuse d'aiguilles. Une petite fille, dont je ne peux me décider à écrire le nom, parce qu'elle serait triste qu'on la connût, commençait à faire quelques ouvrages assez réguliers. Pourtant, elle tenait si gauchement ses aiguilles qu'elle les brisait toutes. C'était déjà mal. Mais ce qui l'était bien plus, c'était de jeter tous ses débris à travers la chambre comme une petite sans soin, sans prévoyance pour les accidents qui pouvaient en résulter. « Soyez sûr, lui dit plusieurs fois sa maman, que cette habitude vous fera du chagrin, car vous blesserez quelqu'un en répandant ainsi ces fines pointes d'acier qui peuvent pénétrer à travers des souliers légers. Jugez des pieds nus, voudriez-vous, ma fille, avoir jamais blessé quelqu'un ? Oh, non, maman, c'est la dernière fois, s'écria-t-elle, en relevant à part ces fragments dangereux, et ce ne fut pas la dernière fois. » Elle travailla encore sans se corriger. Elle cassa des aiguilles, et pour ne pas employer l'espace d'une seconde à les ranger avec ordre, elle les jeta par-dessus sa tête comme un vrai dragon de désobéissance, en ayant l'air de dire « Bah, tant pis !» C'était un tort ajouté à deux autres torts. Cela ne fait-il pas de la peine ? Moi, cela m'en fait, car du reste cette petite imprudente n'était pas méchante, vous allez voir. Un matin, son plus jeune frère, qui commençait à marcher seul, fut un moment laissé par sa bonne auprès de son berceau, sans qu'elle lui eût mis encore ses souliers. L'enfant, tout libre et tout content, accourut ainsi pieds nus pour embrasser sa sœur, qui était fort affairée d'un feston plus fin que les autres, où elle avait déjà cassé bien des aiguilles. Un cri perçant de l'innocente créature fit pâlir la petite brodeuse. Avec un battement de cœur, que l'on devine, elle accourut au secours de l'enfant, qui, tombé de douleur, tenait en l'air son petit pied en poussant des cris si perçants que sa sœur ne pouvait les étouffer en le baisant sur sa bouche toute grande ouverte. Ce fut une pitié de voir ce pied délicat s'enfler, malade et fiévreux, au point qu'il fallut des bains de mauve, des compresses de lait, des bandelettes et des soins de mère, qui valent un régiment de médecins, pour empêcher que ce pied charmant ne fût coupé. Ce qui fit frémir d'y penser. Ce fut triste aussi de voir cette pauvre briseuse d'aiguilles, pleine de repentir, pâle et honteuse entre sa mère qui était fort grave et son cher frère, enveloppé comme un petit boiteux, qui la caressait au lieu de lui faire un reproche. Nous devons lui rendre la justice de dire qu'elle se corrigea pour la vie et devint la plus rangeuse du monde. Mais à quel prix ? Ne valait-il pas d'abord mieux écouter la tendre leçon de sa mère ? Qu'en dites-vous ? Moi, je pense que cela valait 100 fois mieux. Je vous prie de profiter de sa faute en la lui pardonnant comme Dieu la lui a pardonnée. L'ordre est une vertu si attrayante qu'elle invite tous les autres à venir se ranger autour d'elle.